Gary Gary Gantu. Fini les vacances, je suis revenu à mon lycée de Sakura Zakirai Santo. À ma place près de la fenêtre, à côté de moi, y'avait Nanako. Oh yeah. Sur mon bureau, y'avait un paquet avec un casque VR et un sèche-cheveux. Bizarre, bizarre me direz-vous, mais attendez un peu de voir. Un ange doré nommé Lissu apparu devant moi. Elle a dit que j'étais un élu. Doki Doki, Ecstasy Shot, t'es aussi happy, happy, and fatty shot. Une journée, ça n'était pas assez long, vraiment. Pendant 30 jours sans relâche, toutes les filles à nouveau me pourchassent. C'est plus Double Fist, mais Galgantu. À côté de chez moi, y'a Chiru, une geek qui se reste enfermée chez elle toute la journée. Elle ne pense qu'à jouer à des jeux rétro sur son PC. Choisir entre elle et Nanako, ça fait moins de choix. Et qu'est-ce qu'elle fout là, ces deux-là? Doki Doki, Ecstasy Shot, t'es aussi happy, happy, and party shot. Une journée, ça n'était pas assez long, vraiment. Pendant 30 jours sans relâche, toutes les filles à nouveau me pourchassent. C'est plus ta belle fils, mais y'a Shinobu et Maya. Shooting, shooting, Braipatsu et aussi sweeping, sweeping, et c'est coucou. Patako et Koro me manquent un petit peu. Mais Kurona est toujours là pour faire de ma vie un cauchemar. C'est plus ta belle fils, c'est Galgantu. Doki Doki, Ecstasy Shot, t'es aussi happy, happy, and party shot. Une journée, ça n'était pas assez long, vraiment. Pendant 30 jours sans relâche, toutes les filles à nouveau me pourchassent. C'est plus ta belle fils, mais y'a Shinobu et Maya. Shooting, shooting, Braipatsu et aussi sweeping, sweeping, et c'est coucou. Patako et Koro me manquent un petit peu. Mais Kurona est toujours là pour faire de ma vie un cauchemar. C'est plus ta belle fille, c'est Galgantu. C'est plus ta belle fille, c'est Galgantu.